sauterelle. Tout le froid dans tes membres longs et tes regards d'astres éteints, ainsi déjà sous les rayons de cet automne que je plains de voir mourir les sauterelles, la transparence de tes ailes et de tes clairs fuseaux menus en leur silence devenu, avec la fin des saisons belles, comme ce feu des immortels que le temps ne reverra plus.